Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. On vous a préparé deux bonnes heures de rock progressif. Et ce soir, on commence avec un artiste italien qu'on a eu le plaisir de recevoir à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita. Il s'agit de Alex Carpani. Le musicien italien nous a proposé le 6 décembre dernier son 7e album studio qui a pour titre de Good Man, un album concept qui est divisé en fait en deux parties, c'est deux pièces de plus de 28 minutes et chaque pièce est subdivisée en 9 parties. Et la première pièce a pour titre Amnesiac et la seconde Good and Evil. Ce soir, on vous propose 4 parties de Amnesiac, les 4 premières avec les sous-titres On a Train pour la première partie, suivi de Perfect Chaos, Flashbacks, et pour la quatrième partie, The Edge of My Mind. Et puis Marc, par la suite, on demeure en Italie. Oui, en effet, on aura pour vous un second extrait de l'album Scattered Memories de Mauro Montobbio, un multi-instrumentiste italien. On vous en avait présenté une première pièce la semaine dernière à l'émission. Alors cette semaine, on a pour vous Destinazioni, sur lequel il est accompagné de la chanteuse Anna Mara. C'est la pièce d'ouverture de cet album. Et ce sera suivi de la formation norvégienne Ozul et un extrait de leur plus récent album Man on the Shore, paru en 2024. On aura pour vous la pièce Modus Operandi. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission de ce soir avec Alex Carpani. Thank you. Bonsoir, ici Mauro Montobbio et je suis fier de vous présenter un extrait de mon album Scattered Memories. We'll be right back. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour entreprendre cette seconde demi-heure, on va avoir une nouveauté en provenance d'Écosse. C'est le guitariste John Irvine qui travaille sous le nom de The John Irvine Band, qui présente la conclusion d'une trilogie avec Here Come the Robots. C'est la conclusion d'une trilogie amorcée en 2022 avec l'album Scanning the Dark Horizon. Et en 2024, l'album qui a suivi, c'est The Starships Are Gathering. Le guitariste a fait ses débuts en 2011 avec l'album Wait and See. Et c'est le 8e album à paraître pour John Irvine. En passant, un guitariste qui est fan du claviériste Vangelis, et d'ailleurs de là l'emploi assez abondant de claviers pour tous ses albums. De ce nouvel essai, on va avoir la pièce A Dream of Utopia, et puis par la suite on va avoir Deep Limbic System, un groupe dont on vous a présenté une pièce la semaine dernière. Ce soir on vous présente deux extraits du même album, l'album a pour titre Catharsis. Et puis c'est une courte pièce qui introduit une seconde pièce, donc on va avoir Days et Regression, deux extraits du second album qui est paru en 2024, et ce groupe de Juarez au Mexique, qui est une ville, je pense qu'on appelle la ville jumelle de El Paso au Texas, parce qu'elle est située tout près de la frontière américaine, et bien ce groupe a présenté un premier essai en 2016, et c'était l'album The Embryo. Et puis Marc, par la suite, on présente un premier album d'un groupe norvégien dont on a parlé tout à l'heure. Oui, en effet, en première partie d'émission, on avait un extrait de l'album Man on the Shore de la formation Ozul de Bergen en Norvège, qui est le projet solo d'un multi-instrumentiste qui a pour nom Paolo Cevaria. Il y joue de tous les instruments, il est au chant, réalise le mixage et la masterisation. Le premier album a pour titre Provenance et est paru en mai 2023. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Ominous Past. Et comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc musical de l'émission avec la formation de John Irvine Band.

Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation suisse Flame Dream qui faisait un retour sur disque en 2024 après plusieurs années d'absence avec l'excellent album Silent Transition. On aura pour vous la pièce Velvet Clouds. Également une autre formation, celle-ci italienne, qui a fait un retour sur disque en 2024 après de très longues années d'absence. Il s'agit de Arc-en-Ciel, qui faisait paraître en 2024 Hard Times. On aura pour vous la pièce My Old Same Mistakes. On aura également une courte pièce de Vesi Linja, cette formation finlandaise, pour terminer le bloc musical. Mais tout d'abord, Michel, une formation de l'Espagne. Oui, il s'agit d'une nouvelle formation espagnole, puisqu'elle a été formée en 2022, donc à environ 2 ans et quelques mois. La formation a pour nom Vientos Moderatos del Este, ce qui veut dire vent modéré de l'Est. Un premier essai est paru en 2024. Le titre, mais je vais me risquer, Un Manuel de Signos y Sintomas, ce qui veut dire à peu près un manuel des signes et des symptômes. Ce soir, on vous propose un premier extrait de cet album et ce sera probablement pas le dernier. La pièce a pour titre El Discurso Despedida, ce qui veut dire en français le discours d'adieu. And I'm perdida. when it's feel I can't control. I can't understand your voice, it's always the same thing. Turn me around, around, I'm wasting time. Feeling like I'm wrong, all right. That's the drug in the morning light. Save me. Polar lights reflect the blue light, out shining.

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation Troïka qui sont de Bergen en Norvège, tout comme la formation Ozul dont on vous a présenté quelques extraits en début d'émission. On vous présente ici une pièce de Strobemork, leur troisième album qui est paru au mois d'août 2024. Leur premier album était paru en 2017 et leur second très août en 2019. On aura pour vous la pièce Parasite. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation très originale qui présente un rock progressif de style Canterbury chanté en français. Oui, et puis j'aurais le goût d'ajouter avec un petit brin de psychédélisme et de space. Le groupe en question, c'est Périlymphe, un projet du multi-instrumentiste français Fabien de Menou qui a mis sur pied ce groupe après s'être installé en Allemagne. Les deux premiers albums sont plus l'œuvre d'un duo que d'un groupe. Fabien de Menou assumant à peu près tout et s'est associé à un batteur du nom de Fabian Slika qui est d'ailleurs toujours membre de ce groupe. Le premier album, tout simplement intitulé 1, est paru en 2017. Le deuxième album, intitulé 2, en 2019. Et en 2021, le groupe se transforme en quatuor et publie Tout en haut. 2024, c'est le plus récent qu'on vous présente ce soir, Progression imaginaire, avec les extraits Les yeux et Interlude.

de andre har forlatt deg nå. Nå du helt alene, med så alt for mye å tenke på. Hva gjør du nå? De andres ironi har gått deg hus forbi. For du har aldri innsett at du en parodi. På de andres verste frykt, noe ynkelig og stygt. Det dette du har blitt, en skarve parasitt. Du en parasitt, folk sier parasitt. Du takker alltid ja. Du har det alltid bra. Du en parasit. Folk sier bare sitt. Pour conclure l'émission ce soir, on a retenu une pièce du groupe grec Jupiter Fungus avec un extrait de l'album Garden Electric paru en 2024. C'est la pièce Circles. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous et je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita pour ne rien rater. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.